C'est la chronique des marquis de Jonquière avec le descripteur des marquis Dominique Bolduc. Salut Dominique. Salut David. Dominique, d'abord deux victoires en fin de semaine contre Sorel et contre Trois-Rivières. Oui, exactement. Deux victoires sur la route. C'est un objectif quand même assez important. Le seul week-end complètement sur la route pour les marquis. Deux rencontres en moins de 24 heures. D'abord, vendredi soir, les marquis se présentaient à Trois-Rivières, une équipe inconnue de formation jonquéroise, puisque on les avait pas affrontés depuis le début de la saison. On les avait pas affrontés en partie hors concours. Donc, pour l'entraîneur Claude Bouchard, c'était tout nouveau. Les marquis qui se sont bien débrouillés, ont marqué rapidement les unités spéciales qui ont été très bonnes, donc une victoire de 6-3. Et le lendemain, en après-midi, à Sorel-Tracy, les marquis qui ont remporté une solide victoire de 3-2. Le gardien adjoint Frédéric Piché qui était solide devant le filet avec plus d'une trentaine d'arrêts. Donc, 4 points qui font du bien, qui font en sorte que les marquis sont toujours en tête du classement. OK. C'est quand même intéressant. Est-ce que du côté des marquis, tu me l'as dit, premier au classement général, est-ce qu'on s'attendait ça depuis le début de la saison? Ben, je pense que c'était l'objectif du côté des marquis, donc bonne place au classement. Moi, je m'attendais à peut-être les deux premières positions, mais pas aussi rapidement. Okay. J'avais dit cette année que la saison des marquis, ça allait être une saison de progression. Le fait, bon, d'adapter le nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu, des nouveaux joueurs, mais tranquillement, pas vite, on s'aperçoit que le système fonctionne à merveille. Et c'est pour ça que pour les marquis en ce moment, après seulement 15 ans, ça veut dire qu'il en reste 25, ont 3 points d'avance. OK. Qu'est-ce qui va se passer au cours de la fin de semaine maintenant pour les marquis? C'est le retour à la maison vendredi, 20h contre les River Kings de Cornwall, qui sont en dernière position au classement général, mais c'est une équipe à prendre au sérieux puisqu'ils ont remporté seulement 2 victoires, mais les 2 victoires lors des 2 derniers week-ends et la dernière dimanche dernier contre Thetford Mines, qui suivent les marquis au classement. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. Et le lendemain, le samedi, on retourne à Trois-Rivières pour affronter les Bien, Dominique Bédic, un gros merci, puis on s'en parle la semaine prochaine. Le descripteur des matchs des marquis de